le dis tout le temps. Bois ta soupe pour devenir grand. Comment leur expliquer ce que je ne peux t'exprimer? J'ai pas envie de grandir. Je veux rester petit et rire. Quand je vois tous ces grands en pleurs, de vieillir, ça me fait peur. C'est fait, j'ai 18 ans. Adieu l'âge bête, et maintenant je peux conduire une voiture. Mais la vie me semble toujours aussi dure. J'ai pas envie de grandir. Je veux rester jeune et puis rire. Quand je vois tous ces problèmes de cœur, l'avenir ça me fait peur. Chômage, finance et maladie. À 40 piges, je me pourrisse la vie. Ce que j'étais bien quand j'étais enfant. J'ai le syndrome de Peter Pan. J'ai pas envie de vieillir. Je veux redevenir petit et rire. Car quand je vois toutes ces horreurs, de vieillir ça me fait peur. Gamin, j'ai pas peur du lendemain. Ma vie s'est bien déroulée. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Mais j'ai envie de rajeunir, redevenir jeune et puis rire. Mais je me dis que mon heure va bientôt sonner, mais ça me fait pas peur.